89.1. CKRL. Actualité. Mercredi 29 juin, il est 12h30. Voici les informations. D'abord, le président américain a atterri il y a 2 heures à Ottawa pour ce qui pourrait bien être sa dernière visite au Canada. Barack Obama rejoint le premier ministre Justin Trudeau et le président mexicain Enrique Peña Nieto au Musée national des Beaux-Arts du Canada où d'importantes forces policières sont déployées. Les politiciens doivent discuter de commerce, de sécurité, de changement climatique. Ils devraient notamment s'engager à produire 50% de leur électricité à partir de ressources renouvelables, et ce d'ici 2025. Toujours sur la scène nationale, la construction de la cimenterie de Port-Daniel va coûter 450 millions de dollars de plus que prévu. C'est 50% de plus que les 1,1 milliards qui avaient été annoncés. Le gouvernement du Québec et la cimenterie affirment tous deux que le projet n'est pas en péril et que le chantier sera terminé en 2017. Le gouvernement affirme pour sa part qu'il n'investira pas un sou de plus dans le projet, mais que la Caisse de dépôt pourrait apporter une contribution supplémentaire. Plus près de chez nous, un projet immobilier ne fait pas l'unanimité sur l'avenue Maguire. Dans le journal Le Soleil, le fondateur de la SDC Maguire, François Joyet, affirme qu'il est en désaccord avec l'approche de la Ville de Québec, la ville qui souhaite construire un immeuble à condos sur le stationnement de l'avenue. C'est l'un des derniers îlots disponibles pour faire des constructions dans le secteur. François Joyet propose à la place du logement locatif un stationnement intérieur bien plus imposant et une place publique permanente. Il affirme avoir l'appui de nombreux commerçants du coin et demande à la Ville de les consulter en bonne et due forme. La Ville de Québec également, qui a dévoilé le dernier cahier de la collection Découvrir Québec. C'est le 6e et dernier ouvrage qui invite les lecteurs à découvrir l'arrondissement de la Cité-Limoilou sous un nouveau jour. C'est un guide de 112 pages qui contient de nombreuses photos d'archives. Il est en vente dès aujourd'hui dans les bibliothèques municipales au coût de 5,50 $. Et scène internationale, le bilan des attentats à Istanbul est passé à 41 morts et 239 blessés, dont au moins un Canadien. L'aéroport Atatürk a néanmoins repris ses activités normales ce matin, tandis que les enquêteurs tentaient de reconstruire le fil des événements. Un mot enfin pour vous dire, côté météo, qu'une veille d'orage est en vigueur présentement pour la région de Québec, et c'est ce qui complète notre bulletin d'information. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL.